Écrire se dit... Scribir. Vous y êtes presque. Escribir. Escribir. Tout à fait. Hein? Ça fait effectivement penser au mot scribe en français. Escribir. Seulement voilà, ce n'est pas scribir, mais escribir. Hein? Tout simplement parce qu'en espagnol, le son sc, en début de mot, n'existe pas. Les hispanophones ne savent d'ailleurs souvent pas le prononcer. Donc, on n'a jamais sc en début de mot, on aura toujours un e devant. Donc, e, s, c. Esc, comme dans escribir. Il en est de même pour les sons sp et st, en début de mot. En espagnol, ils sont toujours précédés d'un e. Donc, e, s, p et e, s, t. Donc, spécial se dit especial, avec un e en début de mot. Et station se dit estación, avec un e en début de mot. Les Espagnols qui apprennent le français font d'ailleurs souvent la faute hein, et disent par exemple « la estación » au lieu de « la station ». Alors, comment demanderez-vous à « usted » « pourquoi est-ce que vous ne m'écrivez pas ?»« ¿Por qué no me escribe ?» Tout à fait. « ¿Por qué no me escribe ?» Parfait. Si vous voulez dire « écrivez-moi », donc c'est un ordre adressé à « usted ». Ça sera Escriba-me. C'est ça, mais alors, maintenant, je voudrais que vous le disiez d'une traite, hein, parce que ça s'écrit tout attaché. Escriba-me. D'accord, escriba-me. Hein, escriba-me. Il est important que vous, usted, m'écriviez. Es importante. Que es importante que me escriba. C'est ça. Es importante que me escriba. Donc là, vous avez employé le subjonctif, comme en français, quand on dit que vous m'écriviez. Après, quiero que, hein, je veux que, c'est la même chose. On emploie le subjonctif en espagnol comme en français. Donc, par exemple, si vous voulez dire qu'est-ce que vous voulez que je lui écrive? Ça sera que... Que quiere... Que quiere, oui, hein, que je lui écrive. Que le escriba? Bien, d'accord. Hein. Que quiere que le escriba? Donc, il n'y a pas de forme différente à la première personne du singulier avec je, puisque que le escriba peut à la fois vouloir dire que je lui écrive, ou qu'il ou elle lui écrive, ou encore que vous, usted, lui écriviez. Si vous voulez préciser de qui vous parlez, vous direz alors que quiere que yo, hein, que quiere que yo, et dans ce cas, yo devient un élément distinctif, que yo le escriba, ou que él le escriba, que ella le escriba. Et de la même manière, vous pouvez dire quiero que usted le escriba. Hein? C'est toujours la même forme, escriba. Pour ce qui est des verbes gogo, c'est très facile. Au subjonctif, ils deviennent automatiquement gaga. Alors, je veux que vous, usted, le fassiez. Quiero que lo haga. C'est ça, quiero que lo haga. Hein? Et je veux que tu le fasses. Quiero que lo hagas. D'accord. Quiero que lo hagas. Et je veux que vous, hein, ustedes, le fassiez. Quiero que lo hagan. C'est ça. Quiero que lo hagan. Hein? Hagan. Et que voulez-vous, hein, usted, que je fasse? Que quiere que... Que je fasse. Que yo haga. D'accord. Que quiere que yo haga? Yo sert ici à préciser de qui il s'agit ou à insister. Hein? Que voulez-vous que je fasse, moi? Que quiere que yo haga? Ou bien simplement, que quiere que haga? Hein? hein, si cette précision n'est pas nécessaire. Pourquoi est-ce que vous, hein, usted, ne voulez pas que je le lui dise? Vous posez la question à usted. Por qué no me quiere? Ah, vous venez de dire pourquoi est-ce que vous ne m'aimez pas, hein, ou ne me voulez pas. Ah bon, ok. Por qué no quiere que... Por qué no quiere que je le lui dise. Que le diga? Ça, hein, ça veut dire pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que je lui dise. Hein? Okay. Mais comment direz-vous que je le lui dise? Por qué no quiere? Je voudrais entendre plus nettement la syllabe qui est accentuée. Por qué no quiere? C'est ça. Que se lo diga? Bien, très bien. Por qué no quiere que se lo diga? Ou que yo se lo diga? Que yo se lo diga? C'est ça. Hein? Si vous avez besoin de préciser, vous ajoutez yo, elle, etc. Hein? Que yo se lo diga. Que él se lo diga. Que ella se lo diga.